Aïe, aïe, aïe. Mets plus de jeu sur le yo-yo, mets plus de jeu sur le yo-yo. Elle a du jus dans ses lolos, elle a du jus dans ses lolos. Fais rentrer la pédale, pédale, fais rentrer la pédale, pédale. Fais rentrer le pédale, pédale, fais rentrer le pédale, pédale. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'suis libérable des vulnérables, aïe aïe aïe. Avec ma paire de Christian Dior, Starfall là ça sentait mauvais comme le poitou de la chasse. À l'assaut de la moula, et ma raison s'évapore. Les hérisses fouillent au corps, j'suis à WAP, j'ai rien vu, j'parle pas. J'suis millionnaire, je le fallais bien. Hey, hey, hey, j'vais faire jouir ma cellule à force d'y faire des va-et-vient. Deuxième division de parachutistes, mais j'm'en bats les reins. Trop de haine, si je meurs, enterrez-moi au Mont Valérien. Cet été, les rues seront vides, les prisons seront pleines. Personne va me coucher à Orly, j'suis une légende urbaine. Les amis sont devenus faux, les ennemis restent prêts. Même si on est peu, ils sont trop, on est prêts. Hey, mets plus de jeu sur le yo-yo, mets plus de jeu sur le yo-yo. Elle a du jus dans ses lolos, elle a du jus dans ses lolos. Fais rentrer la pédale, pédale, fais rentrer la pédale, pédale. Fais rentrer le pénal, pénal, fais rentrer le pénal, pénal. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'suis libérable des vulnérables, aïe aïe aïe. Un bon coup, aïe aïe, ça sent la yeux fou, aïe aïe, tu t'es payé tout, aïe aïe, pas la frais comme Albator, dans la Ventador sous le Mirador, j'suis tellement hardcore, que j'suis le cauchemar de Tarbador, tu passes tes journées comme un chat dans un bain c'est tricard, ça y est, j'avance suite PSG avec mon savon petit marseillais, j'monte malgré la traction, mon dos se développe à cause des tractions, à cause d'exactions, me noter serré pour une extraction, si t'as vu le flingue, c'est que le flingue t'as vu, j'étais pas dans le SAMU, t'as vu, pointu dans ton cas vu. J'dors en garde à vue. Sur le terrain, tous les rejoues, c'est pire qu'à la FIFA. Chez nous, Ken et Orofou et Barbie à la chicha. Mets plus de jeu sur le yo-yo, mets plus de jeu sur le yo-yo. Elle a du jus dans ses lolos, elle a du jus dans ses lolos. Fais rentrer la pédale, pédale, fais rentrer la pédale, pédale. Fais rentrer le pénal, pénal, fais rentrer le pénal, pénal. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe.